Chapitre 19. Au fort de Fouras. Le train, qui la veille, à 21h50, avait emporté de Paris-Montparnasse Jim, Maya, Fred et Jeannette, approchait de Saint-Laurent-l'Après. L'aube s'était levée depuis longtemps et la lumière matinale inondait la gare. Les quatre passagers descendirent sur le quai, rassérénés, heureux d'être délivrés de l'obsédante poursuite, et changèrent de ligne pour Fouras. À 7h35, ils y arrivaient et déambulaient à travers les rues désertes. En cette saison, on était à la mi-mars, avant Pâques, il n'y avait pas trace de baigneurs. Les cafés, le casino, la plupart des villas étaient fermés. Partout le vide et le silence. La petite ville était anoblie par l'absence de la foule estivale. Après un quart d'heure de marche, ils arrivèrent sur un large quai. Un souffle salé balaya les 24 heures d'angoisse dans leur cœur et sur leur visage. Là-bas, là-bas, les attendait l'immensité verte. « L'océan !» murmura Maya. Et soudain, renaissante, elle tendit les bras vers la rumeur infinie. À gauche, au-dessus de la plage, un donjon médiéval, rude et puissant, montait la garde de l'Atlantique. La flèche du sémaphore transperçait le ciel. Jeannette étendit la main. « Le fort !» dit-elle d'une voix vibrante. « C'est ici que Napoléon s'est embarqué pour Sainte-Hélène. » Silencieusement, le cœur étreint par la grandeur océanique, ils la suivirent sur le quai, puis sur un vaste terrain désert jusqu'à l'entrée du fort. La lourde porte n'était pas fermée. Elle s'écarta avec un bruit de ferraille. Ils se trouvèrent dans une longue cour intérieure, entre deux corps de bâtiments d'un étage, aboutissant à l'entrée du donjon. À première vue, le fort paraissait inhabité. À la suite de Jeannette, ils traversèrent la cour jusqu'au bout, et devant le fossé qui la séparait du donjon, tournèrent à droite. Dans une petite courette, sur des cordes suspendues entre les arbres, séchaient des draps, répandant une bonne odeur fraîche de linge lavé. Jeannette se dirigea vers la maisonnette plantée à côté d'un grand corps de bâtiment et frappa à la porte. Une petite tête ébouriffée se montra dans l'entrebâillement. « Jeannette, mon petit Suzon !» Suzon, couvrant à la hâte d'un grand châle ses 5 ans sortis du lit, se jeta au cou de Jeannette. Des voix rudes retentirent à l'intérieur. « Jeannette, c'est Jeannette !» Une demi-douzaine de mains bronzées se tendirent à la fois vers Jeannette, qui ne se lassait pas de les serrer. Enfin, elle se retourna et présenta fièrement « Mes amis, les Guernecs !» Une femme sortit la dernière, petite et musclée, mince et vigoureuse, aux mouvements souples et solides, au visage hâlé, à la longue natte noire, embrassa tranquillement Jeannette. « Alors, Jeannette, vous êtes venue enfin vous faire pêcheuse d'huîtres, comme vous nous l'avez promis ?»« Pas encore, Anne. Aujourd'hui, je viens vous demander un grand service. Mes amis !» Jeannette devint grave. « Vous voyez cette jeune fille ?» Et elle désigna Maya. « Elle est en très grand danger. Des bandits la poursuivent. Nous leur avons à peine échappé. Ils ne savent pas que nous sommes à Fouras, mais ils sont rusés et peuvent découvrir nos traces. Avant d'agir par la police, nous avons tenu à mettre cette pauvre fille en sûreté. Voulez-vous nous donner l'hospitalité ? Je vous préviens qu'il peut y avoir du danger. Nos ennemis sont des assassins. S'ils nous attaquent... » Il y eut des rires ironiques. Les gars retroussèrent significativement leurs manches. Les poings hâlés se serrèrent. « Allons, » dit le père Guernec, retroussant sa moustache blanche, les jambes légèrement écartées, plantées comme un donjon sur son sol natal. « Allons, ce n'est pas à nous qu'on reprendra cette petite. » Jean-Louis Guernec, le mari d'Anne, un beau grand gars aux yeux noirs, se campa devant Maya, qui le regardait avec confiance. « Qu'est-ce qu'elle est ? » demanda-t-il. « Angliche ? Faut pas avoir peur, miss. Vous resterez chez nous tant que vous voudrez, et personne ne vous fera de mal. » Un murmure approbatif s'éleva. Jim, la main tendue, s'avança vers Jean-Louis. « Merci, » dit-il simplement. Jean-Louis rougit jusqu'aux cils. « C'est rien, assura-t-il, c'est rien du tout. Dans la vie, faut se rendre service. On est entre braves gens. Et puis quoi, Jeannette est de la famille. » « Vous devez être fatigué, déclara Anne Guernec, calme et pratique. Vous êtes arrivé comme ça, sans valise ? Je vais vous préparer les grandes chambres. Voulez-vous manger ? Vous avez de la chance de nous avoir tous trouvés. Les hommes rentrent tout juste de la pêche. » Elle ouvrit la porte du logement, située dans le grand corps de bâtiment, et, avec des gestes précis et tranquilles, se mit en devoir de préparer les chambres de ses hôtes. « Fiez-vous à Anne, hein ?» fit le père Guernec en clignant de l'œil. « C'est une femme de tête !» Un quart d'heure après, les nouveaux venus, épuisés, après avoir avalé un grand bol de café, s'étendaient avec délices dans d'immenses lits aux draps parfumés de lavande. Le soleil descendait lentement dans l'océan quand ils se levèrent, revigorés. Jeannette, en compagnie de Jean-Louis et d'Anne, leur fit faire le tour du fort. Le donjon datait du XIVe siècle. Beaucoup plus tard, on avait bâti d'immenses casernes, maintenant désaffectées. Elles longeaient des deux côtés la cour, grise et menaçante, avec ses fenêtres fermées. Quelques coins seulement, perdus dans le bâtiment énorme, respiraient la vie. À part le gardien du sémaphore, établi sur le sommet de la tour, et celui du fort, ancien militaire, de taille énorme, qui semblait un survivant de l'Empire, n'y habitaient que les Guernec et quelques autres familles de pêcheurs. Enfin, à l'ombre du donjon, demeurait une douce folle, aux cheveux blancs, qui ne parlait jamais à personne, sauf à son chat, blanc et craintif comme elle. L'hiver, quand il n'y avait pas d'étrangers, personne, sauf les gardiens, ne montait sur la tour. Les habitants du fort n'étaient pas en proie au romantisme, et quand le gardien napoléonien, avec un sourire sous sa moustache grise de grenadier, renouvela à Jeannette l'autorisation de se promener sur la haute terrasse, elle s'y trouva seule avec ses amis. Après avoir passé le pont qui reliait la cour du donjon, on se trouvait dans un jardin abandonné, au majestueux degré de pierre, conduisant sur une plateforme à mi-hauteur de la tour. Les vagues battaient ses flancs de granit. Le soleil, à moitié descendu dans l'océan, dressait sur le ciel clair une gigantesque tente rouge. Maya contemplait l'infini avec des yeux de ressuscité. Le vent du large cinglait de rouges coups de fouet son visage pâle, et Jim sentait sourdre en lui un bonheur jamais éprouvé. Cette nuit-là, les voyageurs dormirent bien. Le logement se composait de trois pièces. Anne et son mari, pour plus de sûreté, laissant le père Guernec dans la maisonnette, s'installèrent dans la première pièce. Les jeunes gens dans celle du fond et Maya, en compagnie de Jeannette, dans celle du milieu. On boucha soigneusement les meurtrières qui donnaient sur le fossé entourant le fort. Les lourds verrous furent tirés devant les portes. Des volets massifs protégeaient les fenêtres. La rude forteresse donnait une impression de sécurité. De loin, comme le chant apaisant d'un veilleur de nuit, arrivait la voix de l'océan. Le matin, les jeunes gens grimpèrent sur la terrasse pour saluer le soleil. Jim conta ses aventures à ses amis dans tous les détails. Il fut décidé d'envoyer à Jonathan Smith une longue missive avec des instructions exactes et détaillées et de demeurer au fort jusqu'à ce que Scotland Yard, avisé par le chef constable, se fût mis en rapport avec la police française, eût envoyé des émissaires chargés de mettre la main sur Zerga et se fût formellement déclaré prêt à prendre Maya sous sa protection. Quant à Maya elle-même, dit Jeannette en regardant la jeune fille calme, mais obstinément silencieuse, il est urgent de la conduire chez un bon psychiatre. En l'hypnotisant à son tour, et cette fois pour son bien, il pourra peut-être découvrir l'origine de son étrange état. En effet, Maya ne reprenait pas conscience d'elle-même. Elle semblait soulagée, ses lèvres pâles, parfois, ébauchaient un semblant de sourire, mais dès qu'on la questionnait sur son nom, sur son origine, sur sa vie, sur Zerga qu'elle appelait le maître et dont l'évocation la faisait pâlir, elle tombait dans un mutisme absolu, ou répétait, en proie à une terreur vague. « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Et de nouveau, elle se tournait vers la mer, abandonnant au vent ses cheveux courts, aux reflets tantôt roux, tantôt noirs. Se rappelant deux sages nattes blondes, Jim, à la vue de ses mèches folles bronzées, soupirait. Mais la brune. Les pêcheurs l'avaient prise en affection et l'appelaient la Miss. Anne Guernec, souvent, en la regardant, hochait la tête et serrait ses lèvres résolues. Jeannette, pendant une longue veillée, avait tout confié au Guernec, et Anne, en lavant prestement le linge, en cousant une robe pour Susan, en faisant le pot-au-feu, ou en allant à la pêche aux huîtres, chaussée de bottes et vêtue d'une veste et d'un pantalon de cuir, réfléchissait à cette singulière affaire. Elle marchait d'un pas tranquille et ferme, affirmant sa fine vigueur et sa grâce musclée. Un pli se creusait entre ses sourcils noirs, et son visage calme et fier, sans orgueil ni timidité, devenait de plus en plus résolu. Comme Jim s'étonnait de l'estime que Jeannette témoignait au Guernec, elle lui répondit « Les Guernec, parmi tous les gens que vous avez vus en France, ont le plus de distinction de cœur. Vous me demandez, mon cher auteur, des types de Français. En voilà des bons, des vrais, des purs. » Les journées passaient, paisibles. Sur la terrasse ensoleillée, les jeunes gens s'imprégnaient de calme. Les jours de grand vent, quand les giboulées de mars fouettaient âprement fourrasse, ils en respiraient avec volupté la force écumante. Aux heures d'accalmie, ils s'installaient dans des coins opposés de l'immense terrasse. Maya regardait l'océan, et Jim regardait Maya. Fred avait essayé de regarder Jeannette de la même façon, mais avait été si énergiquement éconduit qu'il s'était réfugié précipitamment à l'autre bout de la terrasse. Jeannette avait retrouvé deux livres oubliés lors de son dernier séjour, La vie de Socrate et Les aventures d'Arsène Lupin, et les relisait alternativement. En fin de compte, elle les avait abandonnés tous les deux pour écrire une lettre à son mari. Fred, dégoûté de la vie, s'était mis à faire des mots croisés. Rien ne troublait le silence. Seule, la folle, au crépuscule, se glissait comme une ombre dans les escaliers, chantant des cantiques d'une voix jeune et suave. Seules, les voiles des bateaux de pêche rasaient parfois la cour. Seuls, les avions venant de La Rochelle et volant si bas que les pilotes faisaient signe de la main aux occupants de la terrasse, frôlaient de leurs ailes le sémaphore. Le septième jour, une exclamation perçante troua comme un obus cette paix. Fred, qui suivait d'un œil de connaisseur les manœuvres des avions dans le ciel, se leva, indiciblement agité. « Mon avion » cria-t-il. Jim bondit. « Tu déraisonnes. Je te dis que c'est le toujours prêt. Je connais mon coursier peut-être. C'est lui, c'est bien lui. »« C'est peut-être la police qui l'a pris, » demanda Jeannette pleine d'espoir. « Dans ce cas, on est venu nous chercher. » Fred, les yeux rivés à l'oiseau blanc, suivait tous ses mouvements. Il s'abaissa lentement, frôla presque le sémaphore et passa au-dessus de la terrasse. Poussant un « Ah !» involontaire, Jim s'élança vers quelque chose de blanc, tombé au milieu de la terrasse. C'était une enveloppe attachée à une pierre. Il la décacheta vivement et, tandis que l'avion se perdait dans le ciel, lut à haute voix les trois mots tracés sur une feuille. « Nous reprendrons Maya. » Ce soir-là, il y eut chez les Guernec un long conciliabule. Le père Guernec, Jean-Louis, son frère Jean-Yves, Hervé Malou et le vieux Topinard, qui formaient l'équipage des deux bateaux appartenant aux Guernec, exposèrent leurs plans. L'aimable Annette et le jeune Albert sortiront en même temps, expliqua Jean-Louis. D'ailleurs, la mer est bonne, et 6 ou 7 navires au moins sortiront cette nuit. Le plan fut accepté à l'unanimité, et les pêcheurs s'en allèrent pour revenir avant l'aube. Seul resta le couple Guernec. Les verrous furent tirés plus soigneusement encore que d'habitude, et des barres de fer furent posées, en guise d'armes, devant les portes et les fenêtres. On résolut de ne pas se coucher. Jeannette refusa véhémentement de se retirer, seule avec Maya, dans leur chambre, éclairée seulement par une bougie vacillante. Les ombres qui rampaient sur les murs avaient quelque chose de sinistre. Le mugissement du vent, le miaulement du chat de la folle, le grincement et le craquement du vieux bâtiment faisaient frémir ceux qui veillaient. Par quels moyens les meurtriers tenteraient-ils de s'introduire dans la vieille forteresse ? Le revolver de Jim était sur la table. Fred ne lâchait pas le sien. Jean-Louis, de temps en temps, brandissait une barre de fer comme une légère baguette, mais on sentait que le danger sournois se glissait par les fentes, qu'il ne viendrait pas ouvertement sous forme d'une franche attaque. On avait allumé la lampe à pétrole, mais les angles des murs restaient obscurs. Involontairement, on les regardait, fascinés, comme si de l'ombre devait sortir un poignard. Finalement, Maya, que son intuition avertissait du danger, un peu calmée par les paroles chaudes et consolantes de Jim, s'était assoupie sur une couchette. Jean-Louis, allongé tout habillé dans son lit, dormait, la barre à portée de sa main. Il n'y avait plus autour de la table que Fred, Jim, Anne et Jeannette. « Si vous êtes sûr qu'on ne vous a pas suivi, dit Anne, c'est que vos ennemis ont été avertis. Mais par qui ? À qui avez-vous écrit ? Moi, à personne, déclara Fred. Je n'ai même pas donné l'adresse à mon mari, appuya Jeannette. Rien qu'à Jonathan, dit Jim. Et la miss ? Demanda Anne. Il y eut un silence. Impossible, fit Jeannette. Je ne l'ai pas quitté d'un pas. Si elle avait voulu vous trahir, pourquoi nous aurait-elle suivi ? Demanda Fred. Il ne peut être question d'une trahison de sa part. Jim était profondément ému. Elle est véritablement une victime. Je me porte garant que sa maladie n'est pas feinte. Il ne reste donc que votre frère, résuma implacablement Anne. Évidemment, fit Fred, ton honorable frère aura communiqué la nouvelle, sous le sceau du secret, à tout Guildford. Tu l'as vu à l'œuvre, pourquoi t'être fié à lui au lieu de t'adresser directement à Scotland Yard ? Dame, il est quand même mon frère. S'il conduit bien cette affaire, elle peut lui procurer un avancement. D'ailleurs, il baissa les yeux, je me devais de donner des nouvelles à May. À May la blonde, des nouvelles de May la brune ? Murmura Fred, railleur. Mais Jeannette le fit taire d'un signe. C'est évidemment une indiscrétion de sa part qui a mis les malfaiteurs sur notre piste, constata Jim, navré. Singulière indiscrétion, s'exclama Fred, à la limite de l'exaspération. Il est vraiment impossible d'être imbécile à ce point, à moins de le faire exprès. Exprès ? Jim le regarda frappé. Une idée subite avait traversé son cerveau. Il se rappelait tout à coup certaines choses qui ne s'étaient pas expliquées jusque-là, et une angoisse sourde l'étreignait. Des coins obscurs, aux ombres rampantes, semblaient sortir des soupçons gluants. Mais dans ce cas, May Smith... Jim écarta cette idée avec horreur et se secoua comme pour sortir d'un cauchemar. « Mais pourquoi les bandits nous ont-ils avertis ? » demanda Jeannette. « À quoi bon nous mettre sur nos gardes ?»« C'est une tactique de Zerga qui veut nous terroriser, » répliqua Fred. « Il croit nous avoir plus facilement quand nous serons en proie à la panique. Je me demande comment ils ont fait pour voler mon avion. Sacrebleu ! Mon brave, toujours prêt, servant à ces canailles. » « Dans une demi-heure, il sera temps de vous habiller, » annonça Anne, qui se leva pour aller fouiller dans les placards et préparer les vêtements. « Je viens avec vous. » « Non, Anne, il peut y avoir du danger. J'ai laissé Susan chez ma sœur, elle y est en sûreté. Je vous suivrai parce que je sens que je peux vous aider. » Quand elle parlait sur ce ton de décision calme, même les 70 ans du père Guernec s'inclinaient devant ses 27 ans. Jean-Louis tempêtait, donnait du poing sur la table et, finalement, éclatait d'un bon rire, levait ses beaux yeux noirs et soupirait. « Que voulez-vous ? C'est une femme de tête. » Les trois jeunes gens se serrèrent plus étroitement encore autour de la table. Depuis que la tranquille Anne avait disparu derrière le vieux bahut, le silence se faisait encore plus opprimant. Jim suivait le jeu des ombres, reptile noir glissant dans les coins. Si sa supposition odieuse était vraie, mais la blonde était en danger. Mais la blonde, bientôt, serait morte ou veuve. Mais la blonde, mais la brune, les deux fragiles victimes des desseins mystérieux d'un meurtrier. Jim donna un coup de poing sur la table. « Si au moins on savait, jura-t-il, à qui on a affaire. Hein? »« Cré, non, grinça Fred, si je pouvais les boxer. »« Respirez le vent du large, » murmura Jeannette. « On étouffe ici. » À ces mots, lentement et distinctement, on frappa trois coups à la porte.